إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 24 dans l'explication de مسائل شرح مسائل الجاهلية du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et on est arrivé au point numéro 68 aujourd'hui. Al-Mas'alatu Thaminatu Wassittun. Et le thème de ce point c'est Madhuhum Anfusuhum Bima Laysa Fihim. Le fait qu'ils se glorifient eux-mêmes de ce qu'ils ne possèdent pas, de ce qu'ils n'ont pas en eux-mêmes. Donc, الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنصور إن دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. Donc le Cheikh il mentionne dans ce point, il dit que ils prétendent agir ou pratiquer ce qu'ils ont avec eux comme vérité, alors qu'ils prétendent pratiquer ou appliquer ce qu'ils ont avec eux de la vérité, mais en réalité ils l'ont abandonné cette parole, comme par exemple dans le verset 91 dans sourate al-Baqara, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit nu'minu bima unzila alayna, ils disent nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, alors qu'en réalité ils ont abandonné ce qui a été révélé sur eux. Donc on continue inshallah. Donc le Cheikh Saleh al-Fawzan il explique ce point, il dit min masa'il ahli al-jahiliyyah دعوى اليهود العمل بما عندهم من الحق مع تركهم إياه كما قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا قيل معناه بما أنزل على رسلنا من أنبياء بني إسرائيل لأن هذه الآية في اليهود قالوا نؤمن بما أنزل علينا أي ما أنزل على رسل بني إسرائيل مع أن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاءت به رسلهم ويكفرون بما وراءه يعني غيره مما أنزل على عيسى ومحمد وهو الحق مصدقا لما معهم فالذي جاء به عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فهو موافق لما جاء به أنبياؤهم من الحق ومبين لما أدخلوه في كتابهم من التحريف والتكذيب والتضليل هذا من ناحية. Donc, le Cheikh il dit que parmi les exemples des gens de la Jahiliya et des points de la Jahiliya, il y a la prétention des Juifs lorsqu'ils disent qu'ils appliquent ce qu'ils ont de la vérité qui est avec eux, alors qu'en réalité, ils ne le pratiquent pas, ils ne l'appliquent pas. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 91 qu'on a lu tout à l'heure, lorsqu'on leur dit, croyez en ce que Allah a fait descendre, croyez en ce que Allah a révélé, ils disent, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. Lorsque la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous, certains savants ont expliqué que la signification de cette partie-là, ça veut dire nous croyons en ce qui a été révélé yani, à nos messagers, c'est-à-dire les messagers parmi les prophètes de Bani Israël. Donc, ils prétendent qu'ils croient en ce qui a été révélé sur les prophètes de Bani Israël seulement. Hein, parce que ce verset-là a été révélé à propos des Juifs. Donc, ils disent, nous croyons en ce qui a été révélé sur nous. C'est-à-dire ce qui a été révélé aux prophètes de Bani Israël. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a ramené n'est pas en contradiction avec ce que les messagers de Bani Israël ont ramené. Et il nie tout ce qui est révélé par la suite, hein, c'est-à-dire tout ce qui a été révélé autre que, ou après, comme par exemple ce qui a été révélé sur Isa et sur Muhammad, alayhi salat wa salam. Donc, il renie tout ce qui a été révélé en dehors de ça. Et il dit, wa huwa al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum. Alors que c'est la vérité qui vient confirmer ce qu'ils ont avec eux comme vérité. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit, ce que Isa et Muhammad alayhim as-salatu wassalam ont ramené, hein, c'est qu'est-ce qui est en accord avec tout ce que leur prophète avait ramené de la vérité. Il n'y a pas de conflit ou de contradiction entre les deux. Et en même temps, ça vient clarifier ce que les Juifs avaient introduit comme falsification et mensonges et égarements dans leur révélation. Donc ça c'est d'un point de vue, hein? Et de deuxième point de vue, le cheikh il dit, ومن الناحية الثانية أنهم غير صادقين في هذه المقالة بدليل ارتكابهم هذه الجرائم المذكورة في قوله تعالى ردا عليهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين فَإِمَّا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Donc ça c'est le verset 91 et 92 dans sourate Al-Baqara. Il dit وَهَذَا رَدٌ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِرَدَّيْنِ. Donc il dit, d'un autre point de vue, on peut dire qu'ils ne sont pas sincères lorsqu'ils prétendent suivre ce qui a été révélé sur eux de la, ou sur leur prophète. Les prophètes de Bani Israël. La preuve, c'est qu'ils ont commis toutes sortes de crimes qui sont mentionnés et que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme réfutation pour, contre ce qu'ils prétendent. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset 91, dit au Muhammad à ces juifs, pourquoi alors dans ce cas-là vous tuez les prophètes d'Allah, hein? Pourquoi alors auparavant vous avez tué les prophètes d'Allah si vous êtes véridiques? Et il mentionne ensuite dans le verset 92, et Moïse vous est certes venu avec les preuves claires, puis ensuite vous avez pris le veau d'or après lui et vous étiez injuste. Donc ça c'est pour expliquer que ces gens là ils prétendent suivre ce qui a été révélé sur eux, hein, ce qui a été révélé à leur prophète, et sont les premiers à le contredire. Et non seulement ça, en même temps, c'est qu'il n'y a pas de raison de rejeter ce qui est venu après sur le prophète Isa et sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque ça vient confirmer ce qu'ils ont reçu. Donc, le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les juifs de deux points de vue, hein, sur deux plans. الرد الأول أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء به موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه بل هو مصدق لذلك. والأمر الثاني أنهم غير صادقين حتى فيما ادعوا أنهم يؤمنون به حيث عبدوا العجل وقتلوا الأنبياء وقولهم سمعنا وعصينا وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليهم وهذا يتناول كل تعصب مذموم ويقال وأن يقول الإنسان أنا لا أعمل إلا بما هو في مذهبي أو في مذهب إمامي لأنه يجب على المسلم أن يتبع الحق في مذهبه أو في غير مذهبه مع إمامه أو مع غيره يقبل الحق ولا يتعصب التعصب المذموم. Bon, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés sur deux plans. Le premier plan, comme on l'a expliqué, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien ramené de choses contradictoires à ce que Moussa alayhi salam, avait ramené comme en ce qui concerne le tawhid d'Allah et le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et l'abandonnement ou le fait d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de contradiction entre le message de Moussa alayhi salam et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, même le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient confirmer, hein, le message de Moussa alayhi salam. Deuxièmement, c'est qu'ils ne sont pas sincères même dans ce qu'ils prétendent, hein, lorsqu'ils disent qu'ils croient en ce qui a été révélé sur eux, puisque on a vu qu'ils ont adoré le veau d'or, hein, alors qu'ils venaient juste d'être sauvés, hein, par Allah subhanahu wa ta'ala de Pharaon. Et juste après, ils ont commencé à adorer une idole. Et ils ont tué combien de prophètes également? Et ils ont dit également, comme c'est mentionné dans le verset qui suit, le verset 93 dans surat al-Baqarah, قالوا سمعنا وعصينا. Ils ont dit, nous écoutons et nous désobéissons. Et le fait qu'ils n'ont pas gardé leur pacte et leur entente, hein, leur alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils avaient pris. Et donc le cheikh, il dit que ça comprend toute forme de fanatisme blâmable. Le fait qu'un individu, par exemple, dise, moi je pratique seulement ce qui est dans mon madhab ou le madhab de mon imam, hein? Et donc ça rentre dans ce genre de comportement de la part des juifs, les gens qui disent non, moi j'accepte seulement la vérité si ça vient de mon madhab ou si ça vient du madhab de mon imam. Donc le cheikh, il dit non, ça c'est pas la bonne attitude. Il est obligatoire pour tout musulman de suivre la vérité, peu importe que ce soit dans son madhab ou dans le madhab de quelqu'un d'autre, peu importe que ça vienne de son imam ou d'un autre imam, hein, il doit accepter la vérité et il ne doit pas s'accrocher fanatiquement à son opinion, hein, de manière blâmable, hein. Donc ça c'est l'explication à ce sujet là maintenant, le point numéro 69 et 70, le cheikh, il a mentionné les points suivants. زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها. Le fait qu'ils ont augmenté dans l'adoration par rapport à ce que Allah avait révélé et légiféré, donc ils ont rajouté des choses dans l'adoration qui n'en font pas partie, et le fait également qu'ils en ont enlevé, ils ont diminué, hein, ils ont enlevé des choses qui font partie de l'adoration, ils ont éliminé. Le cheikh, il mentionne des exemples. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il dit, والزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات. Donc il dit les exemples, par exemple d'augmentation dans l'adoration, des choses qu'ils ont rajoutées dans l'adoration, comme par exemple qu'est-ce qu'ils font le jour de Ashura et qu'est-ce qu'ils ont enlevé également dans l'adoration, comme par exemple le fait qu'ils ne se tiennent pas à Arafat, ils ne se tenaient pas à Arafat. Donc le cheikh explique ça. Il dit أما زيادتهم في العبادة فكم يفعلون في يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهذا اليوم حصل فيه حدث عظيم وهو إغراق فرعون وقومه وإن جاء موسى عليه السلام وقومه فهو يوم انتصر فيه الحق على الباطل وصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله وبقي صيامه مشروعا عند المسلمين لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم لماذا يصومونه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه ونجى فيه الله موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه وصامه موسى ونحن نصومه فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه وأمر بصوم يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. Donc, le cheikh, il explique. Il dit qu'en ce qui concerne leur ajout dans l'adoration, c'est comme par exemple ce qu'ils font le jour de Ashura. Et c'est le dixième jour du mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muharram. Hein? C'est le jour dans lequel il y a eu un grand événement. Et c'est-à-dire que c'est le jour dans lequel le Pharaon et son peuple ont été noyés. Et dans lequel Moussa alayhi salam a été sauvé, lui et son peuple. Donc c'est un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à la vérité sur le faux. Et Moussa alayhi salam a jeûné ce jour-là comme une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce jeûne est resté légiféré, même pour les musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra vers Médine, vers Al-Madina, il a trouvé que les juifs jeûnaient ce jour-là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, pourquoi vous le jeûnez? C'est-à-dire, pourquoi vous jeûnez ce jour? Et ils ont dit, parce que c'est un jour dans lequel Allah a sauvé Moussa et son peuple. Et il a fait périr Pharaon et son peuple. Et Moussa alayhi salam a jeûné ce jour, et donc nous jeûnons ce jour. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, nous sommes plus méritoires, nous avons plus de droits, nous avons plus de droits par rapport à Moussa que vous. C'est-à-dire, nous méritons plus de nous affilier ou de jeûner ce jour-là par rapport à Moussa que vous. Parce que le prophète Moussa alayhi salam, c'est un musulman, c'est un mu'min. Hein? Donc, ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Nahnu ahakku bi Moussa minkum. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné ce jour et il a ordonné également aux gens de jeûner ce jour-là aussi. Et il a ordonné de jeûner un jour avant ou un jour après pour contredire les juifs. Après, le cheikh il a dit, هذا هو المشروع في يوم عاشوراء وهو الصيام ولكن أهل الجاهلية يزيدون فيه على الصيام فاليهود يجعلونه يوم عيد يزينون فيه بيوتهم ويزينون فيه أولادهم ونساءهم ويعتبرونه يوم عيد فهم زادوا فيه على المشروع فالزيادة على الصيام في يوم عاشوراء من دين الجاهلية. الشيخ الذي دونك le cheikh Al-Fawzan il explique que qu'est-ce qui a été légiféré dans le jour de Ashura, c'est le jeûne. Mais les gens de la Jahiliya, ils ont rajouté des choses dans ce jeûne. Hein? Donc qu'est-ce que les Juifs font ce jour-là? Ils font de ce jour un jour de fête, dans lequel ils décorent leur maison et ils se décorent eux aussi avec des beaux vêtements et ils mettent des belles parures, des beaux vêtements sur leurs enfants et leurs femmes. Et ils considèrent ce jour-là comme un jour de fête. Donc en réalité, ils ont rajouté dans ce qui avait été légiféré ce jour-là. Et le cheikh il dit donc, le fait de rajouter quelque chose au jeûne de ce jour, au jeûne de Ashura, le fait de rajouter d'autres éléments, comme le fait de fêter ce jour-là ou de prendre ce jour-là comme un jour de fête, ça fait partie de la religion des gens de la Jahiliya. وكذلك الرافضة زادوا في هذا اليوم واعتبروه يوم حزن ويوم نياحة وندم لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit également, les gens, parmi les exemples de qu'est-ce que les gens de la Jahiliya font, il y a qu'est-ce que les Rafida, Shia Rafida, qu'est-ce qu'ils ont rajouté ce jour-là par exemple. Ils considèrent que c'est un jour de tristesse et c'est un jour de lamentation. Hein? Ils font ce jour-là toutes sortes d'actes de tristesse et même ils se flagellent et ils se frappent. Hein, ils se frappent avec, soit avec leurs mains ou bien soit ils se frappent avec des épées ou des couteaux, hein, et ils se font saigner, ils se frappent la tête, le dos, hein, la poitrine, ils déchirent leurs vêtements, ils griffent leurs joues, en tout cas ils font toutes sortes de choses et ils crient, hein, ils invoquent les noms de Al-Hussein et de Ahlul Bayt, donc ils font toutes sortes d'actes de bid'a et d'égarements et de shirk ce jour-là, comme ils le font d'habitude, mais encore plus ce jour-là. Donc ça, c'est des exemples d'égarements que ces gens-là pratiquent au nom de l'islam aujourd'hui, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et les raisons pourquoi ils font ça, c'est parce que c'est un jour dans lequel a été tué Al-Hussein, radiyallahu anhu. Donc à cause de ça, ils font toutes ces actions-là qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein. Et qu'est-ce qui est étrange aussi à propos de ça en passant, c'est que c'est eux qui ont été la cause de la mort d'Al-Hussein. Et c'est pour ça donc qu'ils prétendent vouloir le défendre et ils prétendent l'aimer. Et c'est eux qui ont été la cause de sa mort parce qu'ils l'ont abandonné. Donc ça, c'est l'exemple de ces gens-là qui sont dans la contradiction totale. Après, le cheikh dit: wa amma naqsuhum min al-ibada fa kama hasala minhum fil hajj kanu fil jahiliyyah yahujjun al-bayt li'annahu min baqaya din ibrahim alayhi as-salatu was-salam walakin adkhalu fil hajj taghayyurat wa shirkiyat li'anna Allah shara' al-wuquf bi'arafa fasaru la yaqifuna bi'arafa bal yaqifuna fi muzdalifah. وهذا نقص في العبادة هذا نقص في العبادة لم ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظنون أنه سيقف معهم في مزدلفة فتجاوز عليه عليه الصلاة والسلام فتجاوز عليه الصلاة والسلام إلى عرفة ووقف في عرفة فأعاد الحج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفة. هذا رد على المشركين في وقوفهم بالمزدلفة وكذلك زادوا في التلبية قولهم: لا شريكا هو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهكذا كل من نقص شيئا من العبادة فإنه على دين أهل الجاهلية وكذلك من زاد في الدين فإنه على دين الجاهلية فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية. Donc le cheikh il dit que également ils ont diminué dans l'adoration, comme c'est arrivé durant le hajj, hein, comme les mushrikins faisaient dans le hajj. Dans la jahiliya, ils faisaient le hajj vers la Kaaba parce que ça fait partie des restes de la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais eux, ils ont introduit des modifications et des formes de shirk dans ce hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré qu'on doit se tenir à Arafah. Et eux, au lieu de se tenir à Arafah, ils se tenaient à Muzdalifah. Et ça, c'est un manque dans l'adoration. Ils ont enlevé dans l'adoration. Alors, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait son hajj, eux, ils s'attendaient à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête à Muzdalifa. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, c'est-à-dire il a dépassé ça et il est allé à Arafa et il s'est tenu à Arafa. Donc il a ramené le hajj selon, comme il était fait à l'époque de Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Et il mentionne le verset 199 dans Surat al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. Hein, et ensuite déferler, hein, de l'endroit d'où tous les hommes, tout le monde déferle, c'est-à-dire tout le monde vont partir circuler de cet endroit-là, c'est-à-dire à partir de Arafah. Et ça, c'est une réfutation des mushrikins qui se tenaient à Muzdalifa au lieu de se tenir à Arafa. Et ils ont également rajouté dans la Talbiya quelque chose qui n'en fait pas partie, comme par exemple يعني la Talbiya, c'est de dire labbaik Allah labbaik la shari labbaik Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Eux les mushrikin, ils ont rajouté illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, c'est-à-dire accepter un partenaire. On dit tu n'as pas de partenaire, on dit la sharika lak, on dit Allah tu n'as pas de partenaire. Eux les mushrikin, ils rajoutent accepter un partenaire qui est à toi, que tu possèdes, et que tu possèdes ce qui lui appartient aussi. Donc ils ont rajouté cette partie là dans la talbiya, et ça c'est un ajout aussi, c'est une innovation dans l'adoration. Cheikh dit wa hakadha kullu man naqasa shay'an min al-ibada fa innahu ala din ahli al-jahiliyyah wa kadhalika man zada fi al-din فإنه على دين أهل الجاهلية فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية. Donc le cheikh dit la même chose, on peut dire la même chose également à propos de toute chose qui a été enlevée dans l'adoration, ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. De même que toute personne qui rajoute dans la religion, on peut dire que ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. Donc les innovations, les superstitions, tout ça, ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. Donc c'est pas seulement de rajouter qui est dangereux et qui est grave, mais d'enlever aussi. Hein? Et ça fait partie des gens de la jahiliya. Et c'est ça qui fait que les gens se divisent en groupes et en sectes, à cause de ceux qui ajoutent des choses et des gens qui enlèvent et des gens qui ajoutent. Ça fait que les gens se divisent par la suite en différentes sectes. Naam, donc ensuite on arrive au point numéro 71. Parce que les deux points qu'on vient de faire, c'est le point 69 et 70. Maintenant le point 71, le cheikh dit tarkuhum ma awjaba Allahu alayhim min bab al-wara. Il y a des points qui sont similaires à des points qu'on a déjà expliqués dans les cours précédents, mais c'est quand même, il y a des fois des petits détails qui sont rajoutés. Donc le point numéro 71, c'est que ils abandonnent ce que Allah SWT a ordonné sous prétexte que ils le font sous prétexte de piété ou de vouloir faire ça pour des raisons religieuses, yani, des raisons de piété ou de religiosité. Donc d'abandonner ce qui est obligatoire sous prétexte qu'on le fait au nom de la religion, hein, que c'est pour une raison religieuse, pour se rapprocher à Allah. On a, dans un point précédent, on avait expliqué qu'ils font ce qui est haram dans le but de se rapprocher à Allah. Maintenant c'est ils abandonnent ce qui est obligatoire dans le but de se rapprocher à Allah. Ça aussi c'est grave. الشيخ الفوزان يكسبلكسا لأن يتقربون إلى الله بترك الواجب مثل الوقوف بمزدلفة بدل الوقوف بعرفة يزعمون أنه ورع لأنهم أهل الحرم ولا يخرجون إلى عرفة لأنها من الحل فهم يتركون الحق تورعا وهذا من عمل الجاهلية نسأل الله العافية. وكذلك تركهم الحق تورعا أنهم يطوفون بالبيت عراة ويتركون ستر العورة الذي هو الحق من باب الورع ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيه. وكذلك كل من ترك شيئا من العبادة تورعا كمن لا يتصدق ولا يصلي مع الجماعة في المسجد خشية الرياء والسمعة كما سمعنا عن بعضهم أو لا يطلب العلم أو غير ذلك من ترك العبادات خشية الرياء. Donc le cheikh il mentionne des exemples de ça, des gens qui abandonnent l'obligation ou qu'est-ce qui est obligatoire dans le but de soi-disant de se rapprocher à Allah. Il dit comme par exemple ces gens-là qui se tenaient à Muzdalifa, au lieu de se tenir à Arafa, et ils prétendent faire ça par, pour des raisons religieuses, pour se rapprocher à Allah. Parce que, soi-disant, ils font partie des gens du haram et ils ne sortent pas vers Arafa. لِأَنَّهَا مِنَ الْحِلْمِ. Donc, ils abandonnent la vérité, pour, soi-disant, par piété ou parce qu'ils croient que ça les rapproche d'Allah. Et ça, ça fait partie des actes des gens de la jahiliya. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner. Ensuite, il dit de même qu'ils abandonnent la vérité aussi, sous prétexte qu'ils veulent se rapprocher à Allah. Ils, par exemple, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba tout nu, sans vêtements. Et ils abandonnaient le fait de couvrir leur partie intime, et alors que ça c'est la vérité, et ils prétendent faire ça dans le but de se rapprocher à Allah. Ils disaient on ne va pas faire le tawaf dans des vêtements dans lesquels nous avons désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il y a l'exemple des gens qui abandonnent l'adoration par sous prétexte de piété ou de crainte d'Allah, ou par peur de faire quelque chose de haram ou des choses comme ça. Ils abandonnent ce qui est obligatoire, comme par exemple quelqu'un qui donne pas de sadaqa ou qui va pas faire par exemple la salat en jama'a dans la mosquée parce qu'il dit j'ai peur de faire le riya, j'ai peur que je sois pas sincère, j'ai peur d'être hypocrite, j'ai peur de faire des actions dans le but de me faire montrer, de me faire voir. Donc il fait pas la salat en jama'a, il donne pas de sadaqa, il va pas chercher la science. Il abandonne les actes d'adoration obligatoires sous prétexte qu'il a peur de faire le riya. Ça fait partie aussi des exemples des gens de la jahiliya. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Cheikh il dit aussi: تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة. Le fait qu'ils essaient de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en abandonnant les bonnes choses de la vie. Et en abandonnant la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ou en abandonnant les belles parures et les beaux vêtements. Donc ça, c'est certains parmi les soufis, ils ont ces caractéristiques-là. Ils pensent que d'abandonner les belles choses de la vie, ça fait partie de l'adoration. Donc le cheikh mentionne ça ici dans le point Iani. Ça, c'est le point 72 et 73. 72 et 73. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit: وَتَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَتَرْكِ الزِّينَ فِي الْلِبَاسِ. Donc, il pense qu'ils adorent Allah en abandonnant les bonnes choses parmi les subsistances, les bonnes nourritures, et ainsi de suite, et en abandonnant les belles parures et les beaux vêtements. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit: أي تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك اللباس الزينة وهذا عند النصارى ومن شابههم من الصوفية المنتسبين للإسلام يتركون الطيبات تعبدا لله عز وجل فلا يتزوجون النساء ولا يأكلون من الطيبات ويتقشفون في المآكل والمشارب والملابس ويزعمون أن هذا عبادة لله ولهذا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. Donc le cheikh il dit, donc il cherche à se rapprocher à Allah en laissant tomber les bonnes choses parmi les subsistances et parmi la nourriture, les bonnes nourritures, et en abandonnant les beaux vêtements, comme le font certains parmi les chrétiens et ceux qui leur ressemblent parmi les soufis qui prétendent appartenir à l'islam. Et ils abandonnent les bonnes choses de la vie, soi-disant pour adorer Allah. Et donc, ils ne se marient pas, ils ne vont pas prendre de femmes, ils ne vont pas manger des bonnes nourritures, ils vont choisir uniquement des nourritures qui sont pas tellement appétissantes, pas tellement bonnes. Et ils vont essayer de s'éloigner de tout ce qui a rapport avec les bonnes nourritures, les choses qu'on boit, les breuvages, les bonnes boissons que les gens boivent et les beaux vêtements. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 32, dans surat Al-Araf, قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Dit, qui a interdit à mes serviteurs les parures que Allah subhanahu wa ta'ala a créées et qu'il a fait sortir pour ses serviteurs. Hein? Dit, ô Muhammad, à ces gens, qui a interdit la parure d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait sortir pour ses serviteurs et ainsi que les bonnes nourritures et les bonnes subsistances. Donc ça, c'est une réponse à ces gens-là, ceux aujourd'hui qui prétendent que qu'est-ce qu'ils font, c'est le zuhd, qu'ils s'éloignent des bonnes nourritures et qu'ils veulent pas se marier. Ça c'est pas le zuhd. Hein? Le zuhd, c'est pas dans ce genre de comportement ou d'attitude. Le zuhd, c'est dans le cœur avant tout. Et c'est de pas préférer cette dunya à l'akhira. Et c'est de ne pas laisser entrer cette dunya dans son cœur, le fait de lui donner une plus grande importance que qu'est-ce qu'elle a vraiment. Mais ça ne signifie pas d'être pauvre et de choisir la pauvreté volontairement, ou bien de vivre en mangeant des nourritures qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas appétissantes ou des choses comme ça, ou bien de porter des vêtements qui sont déchirés ou qui sont laids ou qui sont des choses comme ça, ou porter par exemple une seule sorte de vêtements comme la laine, comme certains qui pensent que de porter la laine c'est un vêtement méritoire, comme les moines, comme les vêtements des moines là, des trucs de ce genre. Donc ça n'a pas rapport avec l'islam, comme même le mot soufi. La plupart des ulama ont expliqué que ça vient justement de ce mot-là. Ça vient en arabe du mot souf. Et souf, ça veut dire quoi? Ça veut dire la laine. Et donc, ils sont appelés soufiya parce que les premiers d'entre eux, ils portaient des vêtements de laine pour imiter les moines chrétiens, qui portaient des vêtements de laine. Et pour montrer qu'ils sont détachés de la vie, qu'ils n'ont pas d'intérêt pour quoi que ce soit de ce monde. Donc ça, c'est un exemple de la religion des gens de la Jahiliya. Il mentionne aussi le verset 87 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Oh, vous qui avez cru, ne vous n'interdisez pas les bonnes choses que Allah a rendues halal pour vous. Ne rendez pas haram les bonnes choses que Allah subhanahu wa ta'ala a rendues halal pour vous. » Le cheikh il dit وكذلك حرم بعض بهيمة الأنعام والله قد أباح بهيمة الأنعام فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام فحرموا بعض بهيمة الأنعام من أجل أصنامهم فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Donc le cheikh il a dit de même que ceux qui ont parmi eux les gens de la Jahiliya, il y en a qui ont interdit certains animaux parmi les bétails, parmi les animaux de bétail que les gens utilisent, soit pour leur viande ou pour leur peau ou des choses de ce genre, comme les bétails, comme par exemple les bestiaux, les vaches, les moutons, les chevaux, ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis, il a rendu licite les vaches, les moutons, les chèvres, ces animaux-là sont halal pour nous. Et il mentionne dans le verset 1 dans surat Al-Ma'ida, uhillat lakum bahimatul an'am. Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ces animaux halal pour nous. Et il a interdit d'autres, il a dit faharamu. Les gens de la Jahiliya ont interdit certaines bêtes, certains bestiaux parmi les bétails, que les gens possèdent les animaux de ferme, hein, les animaux qu'on utilise. Et ils les ont interdits pour leurs idoles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset justement pour leur répondre à ce sujet-là. Le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est le verset 87, dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « Oh vous qui avez cru, n'interdisez pas les bonnes choses que Allah a rendues licites pour vous, et ne transgressez pas. » Allah n'aime pas les transgresseurs. فتحريم الطيبات من دين النصارى الرهبان ومن دين الجاهلية ومن حرم حلالا مجمعا على حله ارتد عن دين الإسلام فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله جل عز وجل فهذا افتراء على الله لأن الله لم يشرع لعباده ترك الطيبات بل أمرهم بالأكل منها يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ولما هم جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الزي donc l'interdiction des bonnes choses ça fait partie de la religion des chrétiens, des moines chrétiens. Et ça fait partie de la religion des gens de la jahiliya. Et donc quiconque a rendu haram quelque chose qui est halal et que cette chose, hein, il l'a rendu haram, alors que c'est quelque chose au sujet de laquelle tous les savants sont d'accord pour dire qu'elle est halal, alors dans ce cas-là, il a apostasié la religion de l'islam parce qu'il a rendu haram ce qui est halal et que tout le monde est d'accord là-dessus. Le cheikh il dit « فَإِذَا أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ » S'il a rajouté à ça la considération ou le fait de penser que de ne pas utiliser ou de ne pas manger ou de ne pas prendre cette chose, c'est un acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de penser que c'est haram, il pense que c'est un acte d'adoration de ne pas le faire. Alors là, ça devient encore pire, parce que ça devient un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah n'a jamais légiféré pour ses serviteurs d'abandonner les bonnes choses de la dunya. Au contraire, il leur a ordonné de manger de ces bonnes choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 51 dans Surat Al-Mu'minun, Ô vous les messagers, Ya ayyuhar rusul, mangez des bonnes choses et faites des bonnes œuvres. Et lorsque un groupe parmi certains individus à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont voulu faire ce genre de choses, on a entendu qu'il y a trois hommes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont décidé de se priver, par exemple, de certaines choses. Il y en a un qui a dit, je vais pas me marier, je ne vais pas avoir de femme. L'autre, il a dit, je vais pas dormir la nuit. Et il y en a parmi eux, il a dit, je vais jeûner tout le temps. Je vais jamais briser le jeûne. Et dans une autre narration, il y en a un qui a dit, je vais jamais manger de la viande. Et bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis en colère. Il s'est mis en colère à propos de ces gens-là. Il a dit, il a dit, celui qui quitte ma sunna, il n'est pas de moi. En ce qui concerne, le cheikh il dit, وَأَمَّا تَعَبُّدُهُمْ بِتَرْكِ زِينَةَ اللَّهِ أَيْ تَقَرُّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ بِتَرْكِ زِينَةَ اللَّهِ بِتَرْكِ زِينَةِ اللَّهِ أَيْ التَّزَيُّنْ بِاللِّبَاسِ حَيْثُ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاتًا فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ قل من حرم زينة الله أي ما هو دليلكم على ما تفعلون من ترك اللباس والتجمل وترك الطيبات من الرزق لأن التحريم يحتاج إلى دليل والأصل في اللباس والمآكل والمشارب الحل لأن الله خلق هذه الأشياء لعباده كما في الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال فترك التجمل من باب الورع ليس من دين الإسلام فليتجمل باللباس وليأكل من الطيبات ويشكر الله عز وجل. وفي الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، ولكن يكون ذلك من غير إسراف ولا مخيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في جسمه وفي ملابسه، ويخص مقابلة الوفود بمزيد تجمل. Donc le cheikh il explique que il explique hein, il dit amma ta'abbuduhum bi tark zinatullah. Il dit en ce qui concerne le fait de s'embellir en abandonnant les parures que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créées, et les choses qu'il nous a données, les belles choses. Le cheikh il dit, lorsqu'ils prétendent se rapprocher à Allah en abandonnant les belles choses, les beaux vêtements et les choses de ce genre, et là on parle, quand on parle des beaux vêtements là, il ne faut pas comprendre comme certains là, Allah al-Musta'an, qui, comme certaines femmes qui pensent que bon ça y est, elles peuvent montrer leurs beaux vêtements quand elles marchent dehors sans se voiler, ça c'est incorrect. Porter les beaux vêtements, là, on parle de soit à la maison pour les femmes, devant leur mari, hein, dans la maison, ou bien pour les hommes à l'extérieur lorsqu'ils vont à la mosquée, lorsqu'ils sortent, hein, en public, devant les gens, de mettre des vêtements qui sont bien, qui sont beaux, hein. C'est ça qu'on veut dire. Donc, le cheikh, il explique que ceux qui abandonne les beaux vêtements par soi-disant avec l'intention de vouloir se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est incorrect. Et il dit le cheikh que regarde, il dit même que les gens de la jahiliya, ils allaient jusqu'à faire le tawaf nu, hein. Ils allaient jusqu'à l'extrême de se mettre complètement à nu lorsqu'ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, dit ô Muhammad, à ces gens qui font ça, qui a interdit les parures d'Allah? Et donc, le cheikh explique ce verset-là, verset 32 dans Surat Al-A'raf. Il dit, quelle est votre preuve par rapport à ce que vous faites, du fait d'abandonner les vêtements et le fait de s'embellir, de porter des belles choses, ou le fait d'abandonner les belles choses parmi les subsistances? Parce que le cheikh dit, parce que l'interdiction dans l'islam, il nécessite une preuve. On ne peut pas interdire quelque chose sans un dalil. Hein? Et à la base, yani dans les vêtements, et dans la nourriture, et dans les choses qu'on boit, l'origine, c'est que c'est halal. À l'origine, toute chose est licite, est halal dans ces choses-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses-là pour ses serviteurs. Et dans le hadith sahih, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah qu'il est beau et qu'il aime la beauté. Inna Allah jamilun wa yuhibbul jamal. Et le cheikh il dit ensuite, fatarku tajammul, le fait d'abandonner l'embellissement sous prétexte qu'on fait ça par piété ou pour se rapprocher d'Allah, ça ne fait pas partie de la religion de l'islam. Il dit donc, il faut s'embellir par nos vêtements et manger des bonnes nourritures que Allah nous a créées, qu'il a créées pour nous, et remercier et être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal, comme dans le hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi, et que l'imam Al-Albani, Sheikh Al-Albani, a déclaré Hassan dans Al-Jami', Sahih Al-Jami', le hadith 1887. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aime, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah aime lorsqu'il a donné une grâce à son serviteur, lorsqu'il a mis sur son serviteur une grâce, il aime que cette grâce-là, ou il aime qu'on voit la trace ou la manifestation de cette grâce sur son serviteur. Il aime qu'on voit la manifestation de cette grâce sur lui, sur son serviteur. Donc, il est bien de montrer les belles choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Toutefois, sans que ce soit fait avec extravagance. Voilà mukhayyala. Khuyala, comme on dit, quelqu'un qui va faire quelque chose dans le but de se vanter, de se pavaner devant les gens. Donc si tu le fais avec extravagance et luxure, là ça devient négatif, ça devient mauvais. Et si tu le fais avec vantardise et fierté et dans le but de te montrer, de te pavaner devant les gens, alors là ça devient mauvais. Mais si tu le fais sans que ce soit avec excès, sans que ce soit avec mauvaise intention, alors là dans ce cas-là c'est quelque chose de bien. Et ça à notre époque c'est très grave parce que il y a cette catégorie là parmi les gens, Allah al-musta'an, à notre époque, qui aiment tellement montrer les choses qu'ils ont de la dunya et ça devient leur religion, parmi les kuffars en particulier. Et certaines catégories, en particulier parmi les kuffars, le seul plaisir ou le seul bonheur, la vraie vie pour eux, le vrai bonheur dans la vie, c'est quoi? C'est de posséder des belles choses dans la dunya, mais dans le but uniquement de le montrer devant les gens. Donc de leur montrer qu'ils ont, par exemple, des belles montres, des beaux vêtements qui coûtent cher, des belles voitures qui coûtent cher. Pourquoi? Pour faire la parade. Et pour montrer ça à tout le monde dans la rue, pour que les gens les envient. Hein? Comme par exemple Qarun, hein? Le Qarun de Pharaon, qui était riche et qui avait beaucoup de belles choses, mais qui était ingrat envers son créateur. Donc ces gens-là, ils agissent comme ça. Ils ont des belles voitures, ils ont des beaux vêtements, ils ont des belles choses qui coûtent cher, qui sont luxueuses. Et puis après, ils utilisent ça pourquoi? Pour attirer les filles dans la rue et pour faire le désordre sur la terre et la corruption. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose que Allah n'aime pas. Mais si c'est quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné de la richesse et des belles choses dans la vie, et il se les est procurées de façon halal, c'est-à-dire il s'est pas procuré ce genre de choses en faisant des crimes ou en faisant des choses illégales, en vendant de la drogue ou des choses de ce genre, et en même temps il s'est procuré ça de manière halal, hein, et ensuite il l'a utilisé pour le bien, hein, il a fait le bien avec, et il l'utilise sans mauvaise intention. Alors celui-là, s'il est reconnaissant envers Allah, c'est un bien pour lui. Hein? Donc le cheikh, il explique ça de cette manière-là. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il aimait s'embellir, hein? Il aimait embellir sa personne, hein? Physiquement, il aimait se montrer beau. Hein? Il peignait bien ses cheveux, il mettait du parfum, il aimait porter des beaux vêtements également. Et lorsqu'il rencontrait des délégations, il rajoutait encore plus de beauté dans ce qu'il avait sur lui, hein, pour donner une belle impression quand il rencontrait ces délégations-là par rapport à l'islam. Pas pour d'autres raisons comme pour montrer le luxe ou se vanter ou par fierté, non. Mais par rapport au fait que il va faire la da'wah à l'islam et il donne une bonne impression aux kuffar et aux mushrikin. Donc ça c'est un exemple. Ensuite il dit wa da'watuhum, parce que pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que il faut complètement délaisser l'apparence et que l'apparence n'a aucune importance. Et des fois on entend des gens qui disent ah, mais ces gens-là, ils jugent par l'apparence. Est-ce qu'on peut juger par autre chose que par l'apparence si on ne connaît pas? Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas. Donc, comme on dit, il ne faut pas laisser la chance à quelqu'un de mal nous juger à cause de notre mauvaise apparence. Hein? Donc, ça c'est très important. Yani, d'essayer d'avoir une belle apparence. Il y a des gens qui s'habillent comme par exemple parmi les koufars, vous allez voir des gens qui s'habillent comme des punks ou des gens vraiment étranges avec des habits tout déchirés, des vêtements et leurs cheveux en toutes sortes de couleurs. Ils marchent dans la rue comme des extraterrestres. Et puis après, ils disent, ah, les gens, ils nous jugent par notre apparence. Yani, c'est normal. Yani, quand tu as l'air d'un extraterrestre, quand tu marches dans la rue, c'est normal que les gens vont te juger mal. Mais si tu t'habilles bien, hein, les gens vont pas te juger mal. Et s'ils te jugent mal par la suite à cause de ça, mais là, ça revient sur eux. Hein. C'est eux qui sont malhonnêtes. Et ça t'a pas été une cause là-dedans. Maintenant, il y a des jeunes, Allah al-Musta'an, ils suivent la mode des koufars. Des jeunes musulmans, tu les vois dans la rue, malheureusement, c'est ça. Des jeunes musulmans de différents pays, que ce soit africains, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Asie, quand ils marchent dans la rue, ils veulent imiter les koufars et ils s'habillent comme eux. Et ils pensent que c'est ça, avoir une belle apparence. Et pour eux, quand tu vas porter le qamis, quand tu vas porter la barbe, quand la femme va porter son djilbab, ça c'est pas la belle apparence. Et tu les vois même parfois, quand c'est l'Eid ou quand c'est Jumu'ah ou des choses comme ça, ils pensent que de se faire beau, c'est de s'habiller comme des koufars. Hein? Donc, ça c'est une mauvaise compréhension. Ils se rasent la barbe et les femmes vont mettre leurs vêtements comme... Ils ne vont pas mettre un voile, elles vont mettre des vêtements qu'on porte à la maison, elles vont sortir dehors avec ça, elles vont mettre du maquillage, du parfum, elles vont arranger leurs cheveux pour sortir, elles pensent que c'est ça, montrer une belle image. Alors que c'est contraire à l'islam d'agir comme ça. Et qu'on n'a pas le droit non plus d'imiter les koufars. Donc ça c'est très, très important de comprendre ça. Qu'est-ce que ça signifie d'être beau et de bien paraître? Ça ne veut pas dire de ressembler aux koufars. Donc ensuite le cheikh il mentionne comme point numéro al-mas'alatu al-rabi'a wa al-sab'un point numéro 74 da'watuhum an-nas ila al-dalal, le fait qu'ils appellent les hommes à l'égarement. Da'watuhum an-nas ila al-dalal bighayri ilm, sans connaissance. Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit الدعوة إلى الله بغير علم وهي من عمل أهل الجاهلية لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فدعوتهم الناس إلى الضلال أي ترغيب الناس في مخالفة الحق. قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فيدعونهم إلى الشرك وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجة، ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء دعاة ضلال، والدعاة إلى الحق هم الذين يدعون إلى الله ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله Subhanahu wa ta'ala wa ila ma shara. Donc le cheikh il dit que la da'wa à Allah, le fait d'appeler à Allah sans science, ça fait partie de l'action des gens de la jahiliya. Ils invitent Allah mais sans connaissance. Parce que Allah nous a ordonné d'appeler et d'inviter à sa voix, mais avec science, avec compréhension, avec sagesse et avec de la bonne exhortation. Et avec des bons arguments, savoir argumenter comme il faut, mais de la bonne manière. Ensuite, le cheikh il dit, فَدَعْوَتُهُمُ النَّاسِ إِلَى الضَّلَالِ, hein, c'est-à-dire d'appeler les gens à l'égarement, c'est-à-dire d'essayer d'inviter et d'inciter. Hein, ils appellent les gens à l'égarement, ils incitent, hein, ils incitent les gens. Ils les font aimer, essayer de leur faire aimer l'égarement et la contradiction de la vérité, l'opposition à la vérité. Comme par exemple dans le verset 12 dans sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des kuffars, il dit wa qala allazina kafaru, ceux qui ont mécru ont dit à ceux qui ont cru, suivez notre chemin et nous allons porter vos fautes. C'est-à-dire, suivez-nous, nous on va porter les fautes pour vous. Hein? C'est ce qu'ils prétendent. Donc, ils les invitent au shirk, ils les invitent à rendre halal, à rendre haram ce qui est halal, à rendre halal ce qui est haram sans aucune preuve. Ils les invitent à des choses au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve. Et ceux-là sont des, donc ceux-là sont des gens qui invitent à l'égarement. Sont des gens qui invitent à l'égarement. Et les gens qui invitent à la vérité, ce sont ceux qui appellent à ce que Allah a révélé et à ce que Allah a légiféré. Ce sont eux qui appellent à la vérité. Et justement, hier, j'étais avec un frère, et on a rencontré un soufi, Allah al-Musta'an, et les choses qu'il commençait à dire avec sa bouche, toutes c'est des contradictions. Et au début, le pire, c'est que quand on commençait à discuter avec lui, il critiquait des marabouts et des soufis, qu'est-ce qu'ils pratiquent. Il dit, ah, ils mangent l'argent des gens, ils contrôlent les gens, parce que les gens sont ignorants, ils profitent de leur ignorance, ainsi de suite. Alors que lui-même, c'est un soufi qui fait la même chose et qui défend d'autres marabouts, d'autres tariqas qui font la même chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font, certains soufis là, c'est, ils critiquent d'autres soufis qui font des choses parce qu'ils ne sont pas dans la même tariqa. Et toi, quand tu les entends, tu as l'impression que qu'ils sont en train de les critiquer parce qu'ils sont pour la vérité ou bien parce qu'ils ont compris que les soufis, ces gens qui appellent aux soufis au tasawuf sont des gens d'égarement, mais ils ne le font pas pour ça. Ils le font uniquement pour défendre leur tariqa et critiquer la tariqa des autres, comme si leur tariqa était exempte ou qu'elles n'avaient pas ces défauts dont ils sont en train de parler. Alors que leur tariqa font la même chose exactement que celle qu'ils sont en train de critiquer. Hein? Et donc ça c'est la meilleure exemple de l'égarement de ces gens. Et donc on a trouvé un là parmi ces gens-là hier. Commençait à nous dire que oui, c'était un Tijani. Il commençait à dire oui, on arrive à voir le prophète en état d'éveil. Notre cheikh, il voyait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Il a dit même chez nous, là, les enfants de 7 ans, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Et quand je lui ai demandé, est-ce que toi, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil, il a dit non, moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Alors que c'est un homme dans la cinquantaine. Hein, soi-disant un descendant de leur chouyour là-bas. Alors, j'ai dit, mais comment ça se fait? Les enfants chez vous de 7 ans, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la rue comme ça là. Et toi, tu l'as pas vu, tu prétends être parmi ces gens-là et que c'est comme supposément que c'est très facile chez vous d'arriver à ça. Donc ça, c'est des exemples de contradiction de la part de ces gens-là. Non, et ça, c'est juste un égarement. Un exemple d'égarement parmi ce que ces gens-là racontent. Mais c'est pas, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres encore. Donc, le cheikh, il dit ensuite, ومن دعاة الضلال اليوم الذين يدعون الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور ويدعون الناس إلى البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى إحياء البدع والمحدثات والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسوق والعصيان كل هؤلاء دعاة ضلال حذرنا الله سبحانه وتعالى منهم ومن طريقتهم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Le cheikh, il dit ensuite, et parmi les gens de l'égarement aujourd'hui, il y a ceux qui invitent les hommes au shirk, à adorer les tombes, et les tombeaux et les tombes, et à invoquer des tombes, des morts, en fait, à adorer les morts. Il dit également, ils appellent les gens à toutes sortes d'innovations et de fabrications des choses inventées dans la religion, au sujet desquelles Allah n'a fait descendre aucune preuve, aucune autorité. Et ils écrivent des livres et ils font des, ils disent des paroles pour inviter les gens à faire revivre des innovations et des choses fabriquées, des choses inventées dans la religion. Et il y en a d'autres également qui invitent les gens à yani al-ibahiyya. Al-ibahiyya, c'est quoi? Yani, c'est comme le libertinage, le croire que tout est permis, tout est licite, hein, les libertins. Ils appellent les gens au libertinage, au fousouq, au péché apparent et à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Ils appellent les gens à croire qu'il ne faut pas se mettre des limites et des barrières. Il ne faut pas considérer que quelque chose est haram ou que quelque chose est immoral ou des choses de ce genre. Et il y en a parmi eux, parmi ces gens-là, parmi les musulmans, il y en a qui adoptent ces idées-là des koufars. Ils adoptent leur philosophie et leur mentalité, hein, de dire qu'il faut vivre selon, hein, selon nos propres idées. Il ne faut pas se limiter à la religion, il ne faut pas se limiter à ce qui est interdit et ce qui est mentionné comme interdiction dans la religion. Il faut vivre libre. Ça, c'est des paroles d'égarement. Et le cheikh dit, tous ces gens-là sont des égareurs, des gens qui invitent à l'égarement. Et Allah nous a mis en garde contre eux et contre leur voix. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Oh, vous qui avez cru, si vous obéissez aux gens qui ont mécru, ils vont vous faire revenir sur vos pas. Hein, ils vont vous faire revenir en arrière. Et vous allez donc redevenir perdants. » Ça, c'est le verset 149 dans sourate Al-Imran. Et il mentionne également d'autres versets. Il dit, « وَقَالَ تَعَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وقال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فبين الله سبحانه وتعالى فبين سبحانه أن الكفار على اختلاف مللهم قديما وحديثا جادون في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكان كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لشيخ التي الله سبحانه وتعالى المنصر dans le Coran le verset 100 dans surat Al-Imran Ô vous qui avez cru si vous obéissez à un groupe parmi les gens du livre ils vont vous faire revenir hein, à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Et il mentionne le verset 221. Donc ça c'est clair ça, ce verset-là. Une partie des gens du livre aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils veulent des musulmans. Ils veulent dire aux musulmans, devenez des koufars. Soyez koufars comme nous. C'est ça ce qu'ils veulent dire aux musulmans. Sauf qu'ils ne le disent pas. Hein? Ils ne le disent pas directement de cette manière-là, explicitement. Sauf qu'ils disent aux musulmans, laissez tomber l'islam. Abandonnez le hijab. Abandonnez la religion. Cessez de pratiquer la religion, vous n'avez pas besoin de l'islam. C'est ce qu'ils disent. Hein? Ils disent acceptez les valeurs de la République, acceptez les valeurs, nos valeurs qu'on a nous dans notre pays. Quand vous venez dans nos pays, acceptez nos valeurs. Hein? Soumettez-vous à nos lois et à nos valeurs qui sont contraires à notre foi et à notre croyance. Acceptez la laïcité, acceptez la démocratie, acceptez les droits de l'homme qui sont contraires à l'islam. Comme si c'était une condition pour être accepté chez eux. Hein? Et il y en a des musulmans, Allah Musta'an, ils ont dans leur cœur rien d'autre que la dunya. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme résultat? Quand les koufars leur disent, si vous voulez venir ici, il faut que vous acceptiez toutes nos valeurs, et tous nos principes, et tous nos fondements, eux, ils disent, oui, j'accepte. Je veux rentrer dans votre pays à tout prix. Je suis prêt à tout. Hein? Même si vous me demandez de renier tout, je renie tout. Parce que mon but, c'est de vivre comme vous et d'être accepté. Et il y en a même soi-disant des gens, parmi ces gens-là qui sont des soi-disant imams de mosquées. Et il y a ce problème-là beaucoup que j'ai remarqué en Europe. À chaque fois qu'on est allé dans des villes en Europe, à différents pays, en France en particulier, il y a toujours un groupe là qui s'occupe d'une mosquée et qui sont responsables de la mosquée. Et parmi ces gens-là qui sont responsables de la mosquée, la plupart du temps, c'est des gens ordinaires qui n'ont jamais étudié la charia, qui n'ont jamais étudié la aqida avec les ulama de l'islam. Aucun d'entre eux n'ont étudié. Ce sont des gens simples, ordinaires, qui ne connaissent pas l'islam. Pourtant, ils veulent prendre toutes les décisions, et c'est eux qui veulent tout gérer dans les mosquées, et c'est eux qui veulent prendre toutes les en charge de qu'est-ce qui se dit dans la mosquée. Si quelque chose est dit par quelqu'un qui appelle à l'islam, qui est imam ou quelque chose comme ça, et qui a du ilm, et qui connaît l'islam, et qui connaît la sunna, et qui connaît la aqida, il dit des choses que ça lui fait pas plaisir, il va tout faire pour le faire arrêter, hein, pour le stopper. Et si c'est quelqu'un, un imam, qui dit n'importe quoi, qui a aucun ilm, et qui appelle à l'égarement et à contredire le Coran et la Sunna, mais que c'est en accord avec ce qu'il aime, il va tout faire pour que cet individu-là reste imam dans cette mosquée. Ça, c'est le problème qui se passe dans certains endroits que j'ai remarqué en France. Et même ici au Québec, Allah musta'an, maintenant ça devient comme ça aussi. Les mosquées, c'est devenu, hein, parfois même, des endroits où on ne peut pas entendre la vérité, malheureusement. On ne peut pas entendre la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sur les questions qui sont fondamentales. On ne fait que tourner en rond, ou bien parler sur des choses qui sont importantes, qui font partie de l'islam, mais qui ne sont pas au cœur des fondements de la religion. Hein? On ne veut pas expliquer aux gens certains aspects de l'islam qui font partie des fondements de l'aqida, hein, et on les laisse errer comme ça, on laisse les gens errer dans la confusion sans leur clarifier la vérité au sujet des questions d'aqida et aux questions de manhaj. Et les gens de bid'a, eux, on les laisse en liberté dire tout ce qu'ils veulent et appeler les musulmans à la bid'a et à l'égarement et même parfois au shirk et au kufr ouvertement. Mais on ne fait rien pour stopper, hein, ceux qui appellent à l'égarement. Donc ça, c'est dangereux. Enfin, franchement, c'est dangereux. Donc le cheikh, il dit ici, donc, il mentionne les versets, le verset 100. Ensuite, il mentionne le verset 221 dans Surat al-Baqarah. Cela invite au feu de l'enfer, c'est-à-dire les mouchrikoun. Et Allah, lui, il invite au paradis. Donc il y a toujours des gens qui appellent à l'enfer, il y a des gens qui appellent au paradis, des gens qui appellent à la vérité, les prophètes, les messagers d'Allah, les croyants, les ulama, eux ils appellent à la vérité. Et ceux qui suivent leur exemple. Et à ceux qui appellent à l'enfer aussi. Donc il y a des gens parfois qui oublient ça. Ils pensent que c'est seulement que les koufars, ils font pratiquer leur affaire, c'est tout, c'est fini. Ils font pas de da'wah. Non, ils font de la da'wah. Ils font de la da'wah au kufr. Hein? Même si c'est une da'wah fausse, mais c'est une da'wah quand même. Et ils sont pas assis là à rien faire. Ils travaillent pour propager leur kufr. Il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu obéis à la majorité des hommes sur la terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des conjectures et ils ne font qu'inventer des mensonges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dit dans ce verset-là et dans les autres versets, il clarifie que les kuffars, peu importe les différentes religions qu'ils suivent, hein, que ce soit dans le passé ou à l'époque actuelle, ils sont très actifs à propager et à faire la da'wah et à inviter les gens à l'égarement. Ça c'est partout et c'est à toutes les époques. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat al-Nisa, le verset 89, il souhaiterait que vous rejetiez l'islam comme ils ont mécru eux-mêmes. pour que vous soyez égaux. Ils souhaiteraient que vous deviendriez mécréants comme ils ont eux-mêmes été des mécréants, pour que vous soyez égaux avec eux. Ça, c'est des exemples de ces gens-là. Puis on va terminer avec le dernier point, le point numéro 75. دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on, un autre point de par rapport à ce qu'on vient de lire. Le fait qu'ils invitent les gens au kufr avec science. C'est-à-dire, ils savent que ce qu'ils appellent les gens à suivre, c'est le kufr. الشيخ الزي هذا سنف آخر من دعاة الضلال وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته بغيا وعنادا والصنف الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق كلا الصنفين خطير وهم لا يقولون للناس اكفروا وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفر وهكذا دعاة الضلال وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على الصالحين الذين ماتوا جاءهم بطريق دين وقال صوروا صورهم من أجل إذا رأيتموها أن تنشطوا على العبادة وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فينشطونكم على العبادة فهو جاءهم بطريق النصيحة وطريق الدين وهو يريد هذه وهو يريد أن هذه الصور تكون أصناما في النهاية فكانت أصناما لما مات أهل العلم مات هذا الجيل وجاء جيل جاهل بعدهم فقال الشيطان إن أباكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها من دون الله. Le cheikh, il explique. Il dit que, donc, tantôt on a parlé d'une catégorie de gens qui appellent à l'égarement, maintenant on parle d'une autre catégorie, des gens qui appellent à l'égarement. C'est ceux qui appellent à écarter les gens de la vérité avec science. C'est-à-dire, ils connaissent la vérité, mais ils égarent les gens et ils écartent les gens de la vérité avec science. Tout à l'heure, on a parlé des gens qui appellent les gens à l'égarement, mais qui ne connaissent pas la vérité. Mais les deux groupes sont dangereux, hein, parce qu'ils ne disent pas aux gens « devenez koufars, hein. » Quand les chrétiens ils appellent les musulmans à la laïcité, quand les gens qui appellent au shirk, à l'adoration des tombes, ou les gens qui appellent à toutes sortes d'autres idéologies, ou toutes sortes d'autres croyances, de bid'a, de shirk ou de kufr, ils ne disent pas aux gens « devenez koufars, entrez dans le kufr, venez dans la bid'a. » Non. Ils utilisent toutes sortes de mesures, toutes sortes de moyens pour embellir leurs paroles, pour faire paraître leur position comme étant des choses qui sont bonnes. Hein. Mais à l'intérieur de ces idées-là, il y a le kufr. Hein. Et c'est ainsi qu'agissent les gens de l'égarement. Et même que Iblis, hein, lorsqu'il est venu voir le peuple de Nuh, hein, il les a trouvés qu'ils étaient tristes par rapport à la mort des hommes pieux, hein, parmi eux. Donc, il est rentré parmi eux avec cette idée de religion, hein, puisqu'ils ont vu qu'ils aimaient les hommes pieux, donc il les a trompés. Le shaitan les a trompés par la religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu les voir et il leur a dit, faites des images. Hein? Faites des images de ces hommes pieux là que vous avez que vous avez aimés et qui sont morts. Comme ça, lorsque vous allez voir ces images et ces statues, vous allez être encouragés de faire plus d'adoration comme eux. Et vous allez vous souvenir de leur état et de leur bonté et de leur religion. Et donc, ça va vous encourager à faire plus d'adoration. Donc, il est venu les voir par une voie de conseil, hein, et de sincérité et de leur parler de religion. Donc eux, ils ont cru que c'était quelqu'un qui leur voulait du bien. Hein. Alors que, à la fin, lui, il voulait que le shaitan, à la fin, il voulait que ses images et ses statues deviennent des idoles et qu'elles soient adorées. Hein? Et ce qui est arrivé par la suite, lorsque les gens de science parmi eux sont morts, cette génération-là, elle est morte. La génération qui est venue après, qui n'avait pas de science, elle les a pris comme des idoles et les a adorées. Et ça, ça me fait penser un peu à ce que certains font maintenant dans certains pays d'Afrique, on va pas nommer de nom, hein, mais dans certains pays musulmans maintenant en Afrique, on fait construire des grosses statues avec des formes humaines, hein, et on met ça en plein milieu de la ville, hein. On fait des grosses statues et on met ça en plein milieu de la ville. Et c'est tellement gigantesque et immense, hein, on la voit de loin. Les gens, peut-être aujourd'hui, ils ne les adorent pas. Déjà, ils sont en train d'adorer leurs chouyouk et leurs mourides. Hein, pas leurs mourides, mais leurs chouyouk et leurs marabouts dans certains endroits de ces pays-là. Ils adorent ces hommes-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, malheureusement, on ne leur a pas enseigné correctement la aqidah et le tawhid et la sunna. Donc, ils ne savent pas la réalité de l'islam. Et là, en plus, on leur rajoute des statues. Alors que l'islam interdit de fabriquer des statues, interdit de faire des images et des sculptures et des formes humaines de cette manière-là. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour détruire les idoles et les statues et les représentations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali radiallahu anhu pour détruire toutes les images qu'il trouvait dans son chemin, hein, et toutes statues. Bien entendu, comme les ulama ont expliqué, en ce qui concerne le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, il n'est pas permis, hein, de partir soi-même et d'essayer par soi-même ou avec des gens, un groupe d'individus, d'essayer de détruire ces statues-là. Il faut, pour faire ça, avoir la permission du dirigeant. Hein? Et il faut lui donner la nasiha, il faut lui donner le bon conseil pour lui faire comprendre. Et s'il comprend, tant mieux pour lui. S'il ne comprend pas, tant pis. Hein? On a fait notre devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut faire des du'as, il faut espérer que Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les yeux et lui fasse comprendre que c'est incorrect ce qu'il a fait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme et l'aide à devenir un meilleur musulman, à lui donner la connaissance, à lui donner la foi, la piété, à sortir de l'influence de ces groupes d'égarements parmi les soufis, les mourides, hein, qui suivent l'ignorance et qui appellent à l'ignorance, et d'autres turq soufis comme les tijaniya ou les autres groupes de bid'a aussi, la même chose. Parce que ces gens-là, ils manipulent les gens. Et ils les contrôlent. Et ils les gardent dans l'ignorance pour garder leur contrôle sur eux. Et ils leur cachent la vérité, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Parce qu'ils ont pris beaucoup de richesses avec le fait qu'ils ont gardé les gens dans l'ignorance. Donc ça, c'est les conséquences maintenant. Et là, on voit donc, il faut être patient. Hein? L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme Cheikh Al-Fawzan, il expliquait dans un dars, il passait auparavant tout près de la tombe qui était adorée, la tombe de Zayd, un des Sahaba, dans la région du Najd. Il y avait cette tombe que les gens allaient adorer. Et avant que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le support dans sa da'wah, et lorsqu'il n'avait pas le support du dirigeant, il passait près d'eux. Et il leur disait, Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que cette tombe. Il ne pouvait rien faire d'autre parce qu'il n'avait pas d'autorité. Et c'est quand il a eu l'autorité du dirigeant qui était avec lui qu'il a pu détruire ces tombes qui étaient adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et toute statue ou arbre qui était adoré ou autre chose de ce genre. Donc il faut faire ça, mais ça prend du temps et ça prend de la patience, et il faut qu'il y ait du ilm et de la da'wah. Il faut que les musulmans qui sont là-bas et qui sont ailleurs, qui partent étudier l'islam avec les ulama pour revenir dans leur pays après pour enseigner les autres le tawhid et l'islam. Et pas 10 ou 15 ou 20. Il faut qu'il y en ait de plus en plus, des centaines qui reviennent, et qui reviennent pas juste pour faire comme les autres, c'est-à-dire quand ils reviennent de l'université, comme il y en a plein de musulmans en Afrique et ailleurs, qui vont à l'université islamique à Médine, qui sortent avec des diplômes, même parfois avec des maîtrises et des doctorats. Et malheureusement, quand ils retournent, ils restent assis maintenant, hein, ils trouvent un moyen d'avoir de l'argent, soit du gouvernement ou bien de l'argent des pays du Golfe ou d'ailleurs. Et une fois qu'ils ont reçu cet argent, ils s'assoient et maintenant ils profitent de la dunya. Ils ne pensent plus à faire la da'wa à l'islam, au tawhid et à la sunna. Et ils suivent les gens, ils laissent les gens dans leur ignorance. Ils laissent les gens dans leur ignorance comme ils l'ont toujours été. Ils ne vont pas contredire rien de ce qui est fait dans leur société pour pas avoir des soi-disant, pour pas avoir des problèmes. Et donc les choses restent toujours comme elles sont, hein. Et c'est ça qui est dommage. Donc, le shaitan, il a trompé ces gens-là. Il leur a fait croire que, hein, ceux qui avaient construit ces idoles et ces statues-là, ils croyaient qu'ils les avaient uniquement fabriquées pour qu'elles soient adorées. Hein. Ou bien que quand ils n'avaient pas de pluie, ils les invoquaient pour faire tomber la pluie. Donc ils les ont adorés en dehors d'Allah par la suite. Le cheikh dit ensuite: وَكَذَلِكَ دُعَاتَ الضَّلَالِ لَا يَأْتُونَ لِلنَّاسِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى الشَّرِ الْمَكْشُوفِ وَإِنَّمَا يَأْتُونَهُمْ بِطَرِيقَةٍ مُزَخْرَفَةٍ يُحْسِنُونَهَا لِلنَّاسِ ثُمَّ فِي النِّهَايَةِ يَحْصُلُ لَهُمْ مَقْصَدُهُمْ. ودعاه الضلال لما دعوا الناس الى الشرك بعباده الاضرحه لم يقولوا لهم اعبدوها بل قالوا لهم هؤلاء اولياء وصالحون لهم مكانه عند الله فانتم تقربوا اليهم من اجل ان يقربوكم الى الله ويكونوا لكم ويكونوا وسائط ووسائل لكم عند الله عز وجل فجاءهم بهذه الطريقه وهي محبه الصالحين واتخاذهم وسائل ووسائط عند الله عز وجل فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشيطانية وأشركوا بالله عز وجل فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة لا يظهر عليها شيء من الانتقاد ولا يعرفها إلا أهل البصيرة وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمين: قسم يدعو بغير علم، قسم يدعو الناس بغير علم، وقسم يدعو الناس إلى مخالفة الحق وهو يعلم، والأول ضال والثاني فاسق. الشيخ يقول إياه également déjà, parmi les gens qui invitent à l'égarement, ils viennent pas voir les gens en les invitant au mal comme ça dévoilé, hein, faites le mal, faites le zina, buvez de l'alcool. Non, ils leur viennent avec des bannières embellies et enjolivées que les gens vont aimer, et à la fin ce qu'ils voulaient, leur objectif est atteint. Donc les gens qui appellent à l'égarement, comme par exemple ceux qui appellent au shirk par l'adoration des tombes, ils vont pas voir les gens puis dire adorez les tombes, prenez-les comme des idoles et des associés avec Allah. Mais ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire aux gens plutôt, ceux-là ce sont des hommes pieux, des saints, des awliya, des salihoun. Ils ont un statut élevé auprès d'Allah. Alors si vous voulez vous rapprocher à Allah, passez par eux. Eux, ils vont vous rapprocher à Allah. Hein? Ils vont être des intermédiaires et des moyens pour vous, pour accéder à Allah. Donc, ils rentrent chez les gens avec cette shubha et ils les trompent de cette manière en utilisant l'amour que les gens ont pour les hommes pieux et en l'utilisant, ces gens-là, comme des moyens et des intermédiaires, soi-disant, pour arriver à Allah. Donc, ils sont tombés dans l'adoration des tombes et des tombeaux par cette ruse diabolique. Et ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala ces tombes-là. Donc les gens qui appellent au kufr, ils utilisent toutes sortes de ruses, toutes sortes de manières différentes. Hein? Et en apparence, des fois, on ne pourrait pas dire qu'il y a quelque chose qui est incorrect ou critiquable de ce qu'ils font en apparence. Mais c'est seulement les hommes de science et les gens qui ont de la compréhension qui voient le mal qu'il y a là-dedans. Et donc, on peut clarifier dans ces deux points-là que les gens qui appellent à l'égarement sont de deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui appellent les gens sans science, et l'autre catégorie, c'est les gens qui appellent les gens, c'est ceux qui appellent les gens à contredire la vérité, alors qu'il sait, hein, alors qu'il connaît la vérité, mais il appelle à contredire la vérité. Donc le premier, c'est un égaré, et le deuxième, c'est un pervers, un pécheur. Hein. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera la semaine prochaine. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.